Chapitre 68. Le scrupule et le renoncement à ce qui est douteux. Allah Ta'ala dit: et vous le considériez comme insignifiant alors qu'auprès d'Allah, cela est énorme. Sourate 24, verset 15. Car ton Seigneur demeure aux aguets. Sourate 89, verset 14. 588. An-Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire: le licite est clair et l'illicite l'est également. Mais entre les deux se trouvent des choses douteuses que peu de gens connaissent. Quiconque renonce à ce qui est douteux préserve sa religion et son honneur, et quiconque commet des choses douteuses tombe dans le péché, comme le berger qui fait paître ses bêtes à proximité d'une propriété privée. Celle-ci risque d'y brouter à tout moment. Or, chaque souverain possède un territoire qui lui est réservé, et le territoire réservé d'Allah est ce qu'il a rendu illicite. Sachez qu'il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est vertueux, alors le corps entier l'est, et s'il est corrompu, alors le corps entier l'est. Ce morceau de chair est le cœur. Al-Bukhari et Muslim le rapportent selon plusieurs chaînes narratives et dans des termes rapprochés. 589. D'après Anas, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, trouva une date sur le chemin et dit: n'eût été ma crainte qu'elle fasse partie de l'aumône, je l'aurais mangée. Al-Bukhari et Muslim. 590. Selon An-Nawas ibn Sam'an, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: la vertu, c'est le bon caractère, et le vice, c'est ce qui te donne mauvaise conscience, et que tu n'aimerais pas que les gens découvrent. Muslim. 591. Wahb ibn Ma'bad, radiyallahu anhu, a dit: je me suis rendu auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui m'a demandé: tu es venu m'interroger sur la vertu? Oui, répondis-je. Il dit: interroge ton cœur. La vertu est ce qui laisse ton âme et ton cœur serein, alors que le vice est ce qui te donne mauvaise conscience et qui crée en toi un trouble, malgré ce que les gens peuvent prétendre. Hadith bon, rapporté par Ahmed et Ad-Darimi. 592. Uqba ibn al-Harith, radiyallahu anhu, rapporte qu'il avait épousé une fille d'Abi Ihab ibn Aziz. Une femme vint alors le trouver pour lui dire qu'elle l'avait allaité lui et celle qu'il avait épousée. Orba lui dit: tu ne m'as jamais dit que tu m'avais allaité. Il enfourcha sa monture et se dirigea vers Médine pour interroger le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci dit: comment peux-tu vivre avec elle après ce que tu viens d'apprendre? Orba, radiyallahu anhu, se sépara de cette femme qui épousa un autre homme. Al-Bukhari. 593. Al-Hassan ibn Ali, radiyallahu anhuma, a dit: j'ai retenu ces paroles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Renonce à ce qui crée en toi un doute pour ce qui n'en crée pas. At-Tirmidhi a dit, hadith Hassan Sahih. 594. Selon Aisha, radiyallahu anha, Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, possédait un esclave qui lui apportait ce qu'il gagnait quotidiennement et que consommait en partie Abu Bakr. Un jour, il lui apporta son revenu, dont Abu Bakr consomma une partie. L'esclave lui demanda: « Sais-tu d'où provient ceci ?»« D'où provient-il ? » interrogea Abu Bakr. « Avant l'islam, j'ai lu l'avenir pour un homme, sans rien connaître de la voyance, mais j'ai seulement voulu le tromper. » Il m'a rencontré, m'a donné mon salaire, dont tu viens de manger une partie. Abu Bakr, radiyallahu anhu, introduisit alors ses doigts dans sa bouche et vomit tout ce qu'il avait dans le ventre. Al-Bukhari. 595. D'après Nafi', Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, assigna une rente de 4000 dirhams à chacun des premiers émigrés, muhajirin, mais n'en accorda que 3500 à son fils. On lui demanda: pourtant il fait partie des émigrés, pourquoi lui as-tu accordé moins que les autres? Il répondit, il n'a fait que suivre son père, voulant dire par là qu'il n'était pas comparable à celui qui avait émigré par lui-même. Al-Bukhari. 596. D'après Atiyah ibn Urwa Sa'di, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, le serviteur croyant n'atteindra la piété que lorsqu'il délaissera ce qui n'est pas clairement illicite, de crainte de tomber dans ce qui est illicite. At-Tirmidhi a dit, hadith Hassan. Hadith jugé faible par Sheikh al-Albani. Rahimahullah.